La Bosnie, c'est à côté de la Transylvanie. La Bosnie, c'est à côté de la Transylvanie. La Bosnie, c'est à côté de la Transylvanie. Et la Transylvanie, c'est Dracula. En Bosnie, je voudrais te croquer ton joli cou. En Bosnie, moi je voudrais te sucer tout ton sang. En Bosnie, je voudrais manger ton vagin tout frais, pouvoir te faire l'amour comme Dracula. La Bosnie, c'est à côté de la Transylvanie. La Bosnie, c'est à côté de la Transylvanie. La Bosnie, c'est à côté de la Transylvanie. Et la Transylvanie, c'est Dracula. Mais la Bosnie, c'est toi.